va parler des Aigles de Roberval avec Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Daniel. Simon, en fin de, vous jouez en fin de semaine. Vous avez joué hier, c'était ce matin, c'est-à-dire dans la catégorie N15, c'est ça? Oui, exactement. Là, c'était le début du défi M15 à Roberval puis Mastaillage. Okay. C'était notre premier match ce matin. Fait que le tournoi est officiellement lancé. OK. Donc, c'était une verdict nulle, c'est ça? Oui, un verdict nul là, de 4 à 4 là, contre les Estacades de Trois-Rivières. Okay. Un très bon match. Là. On tirait de l'arrière 1-0. On est revenu en avantage numérique. Après ça, on a tiré de l'arrière 3-1. On est revenu 3-3. Ils ont fait 4-3, 4-4. C'était un très bon match. Là. On en a eu pour nos émotions. C'était un peu en montagne russe, tout ça. Là, mais on a bien construit. Il y avait un peu de stress aussi là, avant le début d'un tournoi à domicile. Comme ça, on veut bien faire devant nos parents et amis. Puis ça faisait longtemps aussi qu'on sait qu'il n'y avait pas eu de tournoi puis d'événements. Donc, tu sais, ça ajoutait à tout ça aussi. OK. Donc, ça a été... puis il y a combien d'équipes qui vont être à ce tournoi-là? On est une vingtaine d'équipes. Il y a 19 équipes totales. Ouais. On est, dans le fond, on a une quarantaine d'équipes dans la ligue. Fait que c'est un peu divisé en deux. Fait qu'on reçoit la moitié du défi chez nous. Puis Rigaud reçoit la deuxième moitié du défi un petit peu plus tard. Là. Fait que c'est un défi obligatoire pour la Ligue. Fait qu'il y a vraiment la moitié de la Ligue qui est obligée de venir chez nous, puis l'autre moitié qui va à Rigaud après les fêtes. OK. Hey, mais je pense 20 équipes qui arrivent ici pour l'économie, c'est quand même bon pour les restaurants, hôtels, les instituts, ça doit être plein jusqu'à Saint-Félicien. Ah oui, Saint-Félicien, il y a beaucoup d'équipes qui logent là, puis c'est plein partout. Là, pour l'économie, c'est bon, là, tout ça, surtout après ce qu'on a vécu. Ben ouais. Puis, tu sais, on est content aussi. Là, des fois, on sollicite les personnalités, les gens d'affaires du secteur. Mais tu sais, au moins, quand on peut leur amener un événement comme ça, puis qu'ils puissent en bénéficier, ben tu sais, c'est le fun de pouvoir contribuer à ça. Là. C'est un win-win là, dans le contexte, et que c'est le fun. Là. Donc, où est-ce que tu vises, où est-ce que tu veux aller, est-ce que tu... est-ce que tu penses que tu es capable d'atteindre au moins, peut-être pas le carré d'as, mais au moins aller assez loin ce tournoi-là? Bien, c'est sûr que on se prépare depuis un certain temps pour ce tournoi-là. On pense qu'on a une équipe qui va être compétitive dans le tournoi. C'est sûr que c'est seulement un match. Hein. C'est le troisième match qui compte, puis on sait qu'on va affronter une bonne équipe. Là. Donc, ça va être soit le Collège Charlemagne ou le Collège de l'Assomption. Puis, ces deux équipes là, qui sont dans le haut de leur division là, au classement général de la division. Fait que ça va être un très gros match. Ce match-là va être demain à 14h15. L'aréna va être pleine. Il va y avoir 1000 personnes environ dans l'aréna. Toute l'école est libérée. Il y a un protocolaire et tout ça. Fait que, on va jouer comment ça, cette pression-là. J'ai hâte de voir. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Puis on va voir. Mais l'objectif, là, c'est que les jeunes puissent triper, avoir du plaisir, puis aller comme ça. Donc, maintenant, ailleurs, dans les autres catégories? Ben, les autres catégories, ben, c'est sûr que c'est un petit peu plus tranquille. On a joué hier, là, le juvénile, un verdict nul de 2-2 à Cardinal-Roy, puis les Benjamins, eux, ont figé un revers. Ils perdaient 2-0 après 2, puis ça a moins bien été en troisième période, là, donc ça finit 7-0. OK. Ensuite? Les autres catégories? Ensuite, ben là, c'est notre cadet là, qui est notre M15 qui est en tournoi présentement. Puis on a notre M15 2B là, qui ont vaincu là, les Rapides de Dolbeau 3-1 la semaine dernière. Okay. Puis le prochain match, c'est nos Benjamins qui joue demain au Séminaire Saint-François. Samedi au Séminaire Saint-François. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est pas mal le fun de voir que c'est bon pour l'économie du secteur. C'est 20 équipes du coin, donc on va souhaiter une bonne participation de l'équipe. Ça marche. Merci, Danny. Bye. Simon Gaudreau des Aigles de Robert.